La femme du peintre par Octave Mirbeau. Vers le soir, la malade eut une dernière convulsion, poussa un dernier râle, mourut. Et longtemps, devant le pâle cadavre qui se glaçait, le mari, l'illustre peintre Barnaise, demeura anéanti, les yeux fous, ne comprenant pas, ne pouvant croire que la mort fût venue, comme ça, si vite, lui ravir sa femme. En 3 jours emportée, en 3 jours, elle, si belle, si vivante, d'une chair si glorieuse, d'un dessin si pur, si correct, si renaissance. En 3 jours, elle qui posait avec de si admirables, si académiques mouvements pour les impératrices, pour les courtisanes, les nymphes, les saintes. Elle qui lui avait valu une première médaille pour sa mort d'Agrippine. En 3 jours, il n'y avait pas une semaine qu'elle était là, couchée sur la table à modèle, parmi des soies jaunes et des coussins écarlates, posant pour une Cléopâtre avec laquelle il eût certainement remporté la médaille d'honneur, conquis un siège à l'Institut peut-être. Et Barnaise revoyait la raideur des bras pendants et cerclés d'or, la lourdeur foisonnante des cheveux épars, le ventre radieux, les seins éblouissants, le rebondissement merveilleux des hanches, le satinage des jambes. En 3 jours, tout cela éteint, tout cela perdu, tout cela disparu. C'était affreux, impossible. « Mathilde, ma petite Mathilde !» gémissait le malheureux. « Parle-moi. Ce n'est pas vrai, dis, que tu es morte. Tu poses pour une Ophélie, pour une Juliette, n'est-ce pas? Mais tu n'es pas morte, tu vis. Ah, parle-moi. » Mais sur ses lèvres, il sentit le froid des lèvres mortes, un froid qui le brûla comme un fer rouge. Alors il s'affaissa le long du lit, enfouit sa tête dans les draps, sanglota. « mon Dieu, elle ne pose pas !» Il ne voulut de personne pour veiller sa femme et consigna sa porte aux consolations importunes. Seul, il procéda à la toilette funèbre. Seul, il disposa sur le lit les fleurs, les grappes odorantes de lilas blanc, les boules de neige. Paré d'une robe blanche, et sur la blanche jonchée couchée, Mathilde semblait dormir. L'année précédente, Barnaise avait perdu un enfant, son fils unique, un enfant joufflu, rose, potelé, délicieux, qui déjà posait comme un petit homme, pour les amours et pour les anges. Et voilà qu'on lui arrachait sa femme. Maintenant il ne lui restait plus personne à aimer, et il était seul, si seul, que la pensée de la mort lui fut un instant comme une consolatrice. À quoi bon vivre? Et pour qui? Et pourquoi? Tout s'écroulait, tout, jusqu'aux égoïstes jouissances de l'art, jusqu'à ce délicieux martyr de créer, jusqu'à ces divins enthousiasmes, ces folies sublimes, qui d'un ton de chair, d'un coup de soleil sur la mer, d'un lointain perdu dans les brumes, font surgir, surgir et palpiter les poèmes du rêve éternel, les médailles, les décorations, les prix forts. Pendant quelques minutes, il eut l'idée de commander un cercueil plus large, un double cercueil, au fond duquel il pourrait lui aussi s'allonger à côté de sa chère femme, sa Cléopâtre, son Agrippine. Mon Dieu, et lui, son petit Georges, qui tout nu, tout bouclé, des cheveux blonds, un roseau bec, un carquois en sautoir, sortait si délicieusement des déroulements de bandes fleuries, ou bien volait, dans des fonds d'ocre, avec des ailes blanches. Mon Dieu, mon Dieu! Dans la nuit, succombant à la fatigue, au brisement de l'émotion, il s'endormit. Quand il se réveilla, le soleil inondait la chambre mortuaire de clarté joyeuse. Barnaise se repentit de s'être laissé engourdir par le sommeil. Il s'accusa même. Et j'ai dormi, pendant qu'elle... Ah, ma bien-aimée, pardon. C'est vrai pourtant qu'elle est morte. Que vais-je devenir? Je n'ai plus rien, rien. La peinture. Il fit un geste de colère, de menace. La peinture, ah oui, la peinture. Je lui ai sacrifié l'amour de ma femme, de mon fils. Si au lieu d'être peintre, j'avais été avocat, comptable, tailleur, n'importe quoi. Ces deux êtres chéris que j'ai perdus, que j'ai tués, car je les ai tués, vivraient encore. Non, non, plus de peinture, jamais. Je brise ma palette. Très pâle, les paupières gonflées, Barnaise regarda sa femme longuement, douloureusement. « Misérable, je suis un misérable, je n'ai pas su les aimer, » sanglotait-il. Mais peu à peu, ses yeux perdirent leur expression de douleur, et peu à peu, le regard, tout à l'heure angoissé et humide, eut cette concentration, cette tension de toutes les forces visuelles qui font brider, dans un clignement féroce, l'œil du peintre, quand il se trouve en présence d'une nature qui l'intéresse. Il s'écria. Quel ton ! Ah, sacristie, quel ton ! Traça ensuite avec le doigt un encercle isolateur qui enveloppait le front, la joue et une portion de l'oreiller. Il se parla lui-même. La beauté de ça, hein ? Non, mais l'étrange de ça, la finesse, la délicatesse, la modernité de ça, Mazette. Il n'y a pas à dire, c'est du Manet. Il toucha le nez, dont les narines pincées n'étaient plus que deux petites barres violettes. Le ton de tout ça, c'est inouï. Il indiquait l'ombre sous le menton, une ombre transparente, d'un rose bleu, infiniment délicat. Et ça, nom d'un chien, est-ce fin, un nuage, quoi ? Son doigt revenait au front, aux cheveux, à l'oreiller. Et le rapport de ça, et de ça, et l'arrangement de ça. Non mais c'était pas tant. De larges mouvements circulaires, sa main se promenait sur la robe, sur le drap chargé de fleurs. Et les blancs de ça, et les lilas, et les gris, nom de nom, les gris, c'est superbe. Et ce que c'est moderne. Une fleur, glissant sur le bord du drap, tomba sur le tapis. Barnès la ramassa, la remit en place, redonna de l'air, çà et là, aux autres fleurs. Puis il se recula, cligna de l'œil, mesura de ses deux mains l'espace que le motif prendrait dans la toile et il dit « Une toile de 30, ça irait comme un gant, comme un gant !» Son pied battait la mesure, sa tête, balancée de droite à gauche, marquait les mouvements d'un rythme cocasse et il chantait « Comme un gant, comme un gant, comme un gant, Carolus Durand !» Ayant installé un chevalet dans la chambre, il se mit à travailler avec acharnement. Durant toute la journée, on entendit près du corps inerte, verdissant parmi les bottelées de fleurs, que le tapotement de la brosse sur la toile et de temps à autre le chant d'une monotone et incohérente scie d'atelier que Barnès fredonnait d'habitude pour accompagner son travail. « Monsieur Bonnat dit à Monsieur Jérôme, Monsieur Bonnat dit à Monsieur Jérôme, jaune de chrome, et tradéridera, tralalala. » Le lendemain matin, dès le jour apparu, il avait repris son travail. Se hâtant, fiévreux, maugréant contre le menton de Mathilde, dont il ne pouvait attraper la valeur. Mais avec quoi a-t-il fait ce sacré menton ? Et puis tout fiche le camp. Hier c'était lilas, aujourd'hui c'est orangé. Mes rapports n'y sont plus. Allons bon, du vert maintenant. Ah, ma pauvre Mathilde, tu ne poses plus comme autrefois. Pauvre mignonne. Et ta joue gauche qui ne tourne pas. Et les contours qui se raidissent. Nom d'un chien que c'est embêtant. Ces choses-là, on devrait les enlever dans la séance. Tiens, c'est pas mal, ça. Zut, je n'ai plus de cadmium. Et fouillant dans sa boîte, il se reprit à fredonner d'une voix rageuse. Monsieur Bonnat dit à Monsieur Jérôme, Monsieur Bonnat dit à Monsieur Jérôme, cadmium et tradéridera. Barnès fut interrompu par l'entrée soudaine du domestique. Eh bien, qu'y a-t-il ? Je t'ai défendu de me déranger. Le domestique répondit gravement. Monsieur, c'est les pompes funèbres. Barnès éclata. « Les pompes funèbres ! Que me chantes-tu là, les pompes funèbres ? Eh bien, envoie-les au diable ! » !»« Mais, monsieur, répliqua le larbin, c'est pour madame. »« Eh bien quoi, madame ? Je n'ai pas fini. Il me faut encore 2 heures. Occupe-les, les pompes funèbres. Donne-leur à boire. Fais-leur visiter l'atelier. Ou plutôt non, écoute. » Il fit signe à son domestique d'approcher, et gaiement, avec une grimace gamine sur ses lèvres, une grimace où se retrouvait tout entier le bohème qu'il avait été jadis, il recommanda. « Tu leur diras, aux pompes funèbres, qu'ils se sont trompés de maison, et que c'est dans la rue à côté. » Et il se remit à peindre. Le soir, au retour de l'enterrement, Barnès s'enferma dans sa chambre, et longtemps, l'œil sombre, le front plissé, la tête dans les mains, il resta prostré devant la toile, tout ce qui lui restait désormais de sa chère Mathilde. Au bout d'une heure, comme la nuit venait, il se leva. « Ah, je vois bien tout ce qu'il y aurait encore à faire, » soupira-t-il. « Ça n'y est pas, mais quoi ?» Et regardant le lit vide où quelques fleurs oubliées tristement se fanaient, il ajouta, avec un regret suprême, « Il me faudrait la nature. » C'était La femme du peintre, par Octave Mirbeau.